édition de février 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Tout compte fait, janvier fut plutôt occupé. Commençons par les projets de Radio Web. J'ai poursuivi mes activités auprès de Radio Saint-François, colligeant les informations auprès des sites des municipalités de la région, les organes d'information, réalisant les bulletins, les rubriques cinéma hebdomadaire, la rubrique mensuelle des décès, ainsi que la rubrique intitulée « Le Haut-Saint-François dans le progrès de l'Est ». Il y a eu également les courriels auxquels il a fallu répondre, la diffusion des informations sur le site de la radio, sur sa page Google+, et sur Twitter. Bref, tout ça implique une activité quotidienne, variable en durée, selon ce qu'il y a comme information à disséminer. Puis, j'ai effectué les mises à jour pour la radio des éditions de l'avenir. Je rappelle que ce stream diffuse les derniers chapitres, volets et tranches des projets en cours et émissions des podcasts. Si vous désirez un aperçu audio des nouveautés, dirigez-vous vers la radio des éditions de l'avenir. Enfin, mise en ligne des premières heures de Radio Conteur sur Mixcloud et sur le site de Radio Conteur. Mixcloud m'offre la possibilité de diffuser légalement ma collection de vieux albums de contes et aventures pour enfants, comme par exemple les disques vinyles d'Astérix, de Disney, de Bobino et Bobinette, etc. Pour les nostalgiques ou les parents qui désirent faire entendre à leurs enfants les histoires qui les ont nourris, on se rend sur Radio Conteur. Tous les liens apparaîtront dans les notes de l'émission. Au niveau des productions audio, j'ai complété la préparation pour le montage des fascicules 120-129 des résumés Perry Rodden le 3 janvier, que j'ai enregistré le 5, édité les 6 et 7, et que j'ai fini de monter le 12 janvier. Le 14, je scriptais la page 3 de l'édition du 29 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Le lendemain, je l'enregistrais et l'éditais, et la montais le 17. Deux jours plus tard, je m'attaquais à Lianerie, une nouvelle de Poe, que je scriptais et enregistrais. Le 20, je l'éditais et la préparais pour le montage. Montage qui s'est effectué les 21 et 22 janvier. Je commençais à scripter les fascicules 130 à 139 des résumés Perry Rodden le 26 janvier. Script terminé le 29. Passons maintenant à ce que nous avons mis en ligne en janvier dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'avenir. Le 1er janvier, un conte du Pays Gallo intitulé « La médaille de Sainte-Anne ». Le voyage à Sainte-Anne se fit sans encombre. Le temps était doux et la campagne superbe. Aussi, Annette et sa mère se sentaient-elles renaître à la vie. Hélas, il n'en fut pas de même au retour. Une violente tempête se déchaîna subitement, une pluie torrentielle fondit sur les voyageurs et remplit d'eau les ornières du chemin. Madame de Silandais, craignant pour la santé de sa chère enfant... Le 8 janvier, la première page de l'édition du 29 septembre 1883 du Progrès de l'Est. De ce qui a pu transpirer jusqu'à présent de la Triple Alliance, Il paraît que les arrangements pris entre l'Autriche et l'Allemagne constituent une neutralité armée dans le cas où la première se mettrait à guerroyer avec la Russie ou la seconde avec la France. L'adhésion des petites souverainetés satellites de la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie favorise les projets des deux grandes puissances allemandes. Le 15 janvier, une nouvelle de Pau, Le Puits et le Pendule, interprétée et réalisée par J. Je vis tout cela indistinctement et non sans effort, car ma situation physique avait singulièrement changé pendant mon sommeil. J'étais maintenant couché sur le dos, tout de mon long, sur une espèce de charpente de bois très basse. J'y étais solidement attaché, avec une longue bande qui ressemblait à une sangle. Elle s'enroulait plusieurs fois autour de mes membres et de mon corps. Le 22 janvier, la 13e partie des relations des Jésuites qui initiait la relation de 1626. En ces nations, il n'y a eu cette année aucun religieux. Quand nous arrivâmes ici, l'an passé, il y avait un père écolais qui s'en venait avec les sauvages au lieu de la traite, 35 lieues au-dessous de cette habitation. Mais, au dernier saut qu'il passa, son canot se renversa et il se noya. En descendant, les sauvages ne mettent pied à terre pour les sauts, mais seulement en montant. Et le 29 janvier, nous mettions en ligne la version audio des résumés Perry Rodden pour les fascicules 120 à 129. Le Sautala, pour jeter dans le passé, atterrit sur Arconis, tout près du régent en construction. Il dispose de 2 jours pour placer la bombe. Et Pétran, le maître d'œuvre, a détecté les mutants, partis en reconnaissance, malgré leur camouflage. Intéressé par les données techniques d'Atlan sur les propulseurs, il convoque celui-ci. Côté podcast, le 1er janvier, je téléchargeais et écoutais la capsule nouveauté de Jean Seb et scriptais l'émission de janvier. Le lendemain, je l'enregistrais, l'éditais et la montais. Le 3, je faisais la pochette et taguais le fichier MP3. Puis, j'entamais la phase 1 de la mise en ligne. Mise en ligne complétée le 5. 10 jours plus tard, je plongeais dans l'épisode hors série Histoire 5 que j'enregistrais, éditais, montais, sortais en fichier MP3, taguais et confectionnais la pochette. J'identifiais des liens à inclure dans les notes de l'émission le 18 et complétais la mise en ligne le lendemain. Le 28, je téléchargeais et écoutais le draft de la capsule de Jean Seb pour l'émission de février. Le lendemain, j'écoutais la version finale. Super boulot. Émission que je suis en train de scripter en ce 30 janvier. Autre sujet. J'ai poursuivi la rédaction des billets de mes activités sur mon blog personnel tout au long du mois, tentant autant que possible de ne pas prendre trop de retard. Autre sujet encore. Après avoir effectué une fouille dans de vieux cartons datant de l'ère tantôt, j'ai décidé de mettre à disposition sur mon blog personnel plusieurs titres de l'époque. Des livres comme des périodiques. Certains sont à vendre pour un prix modique, d'autres à donner. Parmi ceux-ci, on trouve par exemple des titres des éditions de l'avenir, dont des numéros de tantôt à l'état neuf. Des romans, des recueils de nouvelles et de poésie, des revues et fanzines de science-fiction, de BD, de poésie, de littérature générale, etc. Pour accéder à la boutique, rendez-vous sur mon blog personnel à christianmartin.canalblog.com et regardez dans la colonne droite. Vous trouverez le lien vers la boutique sous le calendrier et la fenêtre de recherche. Beaucoup de temps fut consacré en janvier à dresser l'inventaire pour cette boutique et à ajouter les quatrièmes de couverture des livres, ainsi que les sommaires contenus à signaler des périodiques. Aussi, beaucoup de temps consacré à chercher une alternative de mode de paiement à PayPal, avec qui je ne m'entends pas du tout. Pour le moment, MoneyGram, pour les gens hors du Canada, semble le plus simple. Pour les Canadiens, un bon vieux chèque fait l'affaire. J'ai également décidé d'offrir des exemplaires de mes propres titres à l'état neuf. Ils sont le même prix qu'ailleurs, c'est-à-dire que chez l'éditeur ou qu'en librairie, mais avec la possibilité pour vous d'avoir une dédicace de ma main. On trouve cette offre en tête de mon blog personnel. Ce qui m'amène à parler de Rio du Refuge. Pendant le temps des fêtes de fin d'année, j'ai soudain décidé de réaliser une version papier de mon plus récent roman jeunesse. Pour ceux et celles que ça intéresse, il existe donc désormais, en plus de la version e-book disponible via Amazon, une version papier que vous pouvez vous procurer auprès de l'auteur. Le résultat, un très beau petit livre de poche de 171 pages d'aventures, de drames et de rebondissements. C'est ainsi qu'à la fin décembre, je recoiffais mon chapeau d'éditeur. Le 6 janvier, je préparais les envois pour les dépôts légaux qui furent postés les jours suivants, ce qui m'a permis de constater à quel point les tarifs avaient grimpé. Je n'avais rien posté de substantiel depuis le dernier numéro de la Gazette de Terrania il y a 14 ou 15 ans. Ça m'a jeté par terre, je ne vous dis que ça. Puis, la BNQ ayant modifié sa façon d'attribuer les numéros ISBN, j'allais étudier la chose le 21 janvier. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai effectué une révision du tome 3 de la série des protecteurs de Mario Fecto du 6 au 17 janvier et mis quelques efforts dans la refonte de l'index des patronymes du Progrès de l'Est et découvert ma face dans un reportage rédigé par André Boré et Marie-Christine Bussière et publié dans le numéro d'août 2014 de Basis et effectué une dernière révision sur le script du 19e épisode du PC Show que j'ai envoyé à Carole, alias Madame Coudon, et Gabriel, alias Pépère, Mac et l'annonceur, et commencer à plancher sur une éventuelle aventure de l'estrade, mon agent très spécial, suite à l'enthousiasme de Sandrine pour la première aventure, voire plus loin dans le courrier, et relever les statistiques de téléchargement de nos productions audio le 19 janvier pour m'apercevoir que, malgré qu'elles aient à peu près toutes progressées, aucune n'avait franchi un nouveau cap, et visiter belle-maman à l'hôpital, et visiter mon dentiste préféré, qui m'a délesté d'une autre dent. Comme je le disais, le mois de janvier est plutôt occupé. Au courrier, de brèves nouvelles d'André Boré, le 6 janvier, qui dit « La nouvelle Mazas avance tranquillement ». La première partie est terminée, la seconde, commencée. Le même jour, via le livre d'or d'audiocité, Sandrine écrivait « Bonjour, j'ai pris plaisir à écouter les aventures de l'agent Lestrade. Aurons-nous d'autres aventures? Je vous souhaite une bonne année 2015 et continuez votre œuvre. Sandrine. » Bonjour Sandrine, merci pour votre appréciation des aventures de Lestrade. Ça fait toujours du bien. Cette version audio est tirée d'un roman toujours inédit, lui-même tiré d'une nouvelle. Il n'y a pas d'autres adaptations audio, mais il existe deux autres nouvelles, disponibles gratuitement en e-book via mon blog personnel, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur mon nom, Christian Martin, sur la page de l'Estrade d'Audiocité. Sur mon blog, dans la colonne droite, vous trouverez les aventures de l'Est sous 03 Recueil de nouvelles. Bonne année à vous aussi et merci de nous écouter. Christian. Même jour, via mon blog. Bonjour, j'ai adoré écouter l'aventure de votre agent très spécial Lestrade. Malheureusement, sur les trois aventures, je n'ai pu en écouter qu'une seule. Aurions-nous la joie de les trouver sur Audiocité? En attendant, je vais m'attaquer à une autre œuvre. Bonjour Sandy, merci beaucoup pour les mots gentils concernant Les. Les trois histoires que j'ai écrites mettant en scène ce personnage datent probablement des années 1990 sous leur forme nouvelle. Et elles sont disponibles gratuitement en version e-book. Mais pour répondre à votre question, je ne prévois pas pour le moment adapter en audio les deux histoires suivantes. Cela dit, j'y avais songé. J'avais même commencé l'adaptation de la deuxième nouvelle. Mais je me suis rapidement heurté à des obstacles insurmontables, à moins de tout réécrire et de l'allonger considérablement. Et, je dois l'avouer, j'ai manqué de courage. Puis, le temps a passé et certains des acteurs de la première histoire ont cessé d'enregistrer. Il faudrait redistribuer une bonne partie des rôles, même parmi les principaux. Bref, l'entreprise représente un effort monumental en temps et en énergie. Temps et énergie dont je ne dispose pas pour le moment. Mais qui sait, peut-être un jour, amicalement, Christian Martin. Le lendemain, via courriel, Sandrine répond « Bonjour, Monsieur Martin. » « Bonjour Sandrine, merci d'avoir pris le temps de me répondre. » « Ça m'a fait plaisir. » Je dirais « Mince, flûte !» Je vais devoir me contenter de lire les autres aventures de l'agent Lestrade en intégrant l'univers audio à celle-ci. Exercice dur, mais nécessaire pour avoir la suite de ces aventures. Je vous avoue espérer qu'un jour vous puissiez porter ces aventures en audio et peut-être en écrire davantage. Ce n'est pas dans mes plans pour le moment, mais qui sait? Si vous en redemandez, c'est qu'il existe un intérêt. Aussi, je vais retenir votre espoir. Pour l'agent Lestrade, je l'écoutais même dans le bus, le train ou le métro parisien lors de mes déplacements. C'est chouette. Vous avez vraiment aimé, ça fait vraiment plaisir. Merci encore pour toutes ces aventures et les narrations que vous faites. C'est super gentil, merci à vous. En ce moment, je suis sur Mazas Pavel, et j'aime beaucoup. Ça va faire plaisir à André, l'auteur. Cordialement, Sandrine. Merci, Sandrine. Via le livre d'or de Diosité, Sandrine nous revient le 11 janvier. Bonjour, j'ai fini Mazas Pavel, agent de l'OMU. Un grand bravo à M. André Bory et à toutes les voix pour avoir donné vie à tous les personnages. Je continue à écouter la suite. Sandrine. Le 15, toujours via le livre d'or de Diosité, Sandrine poursuivait « Bonjour, j'ai réussi à l'ouvrir et je compte bien les lire. » Elle parle ici des aventures de l'Est publiées en e-book. « Dès que j'aurai fini la saga de Mazas Pavel, parce que je suis complètement accro. Je suis contente d'être tombée sur Audiocité pour lire d'aussi belles œuvres que sont Lestrade et Mazas Pavel. J'aimerais bien que ces deux aventures continuent. » Sandrine. Continuez d'insister pour l'Est et... je finirai par flancher. Pour Mazas, il existe présentement 10 romans mettant en scène l'héroïne et ses amis. On en a adapté 5 en audio. Je ne me souviens pas si d'autres romans sont à venir, mais en entrevue, dans 2 émissions du podcast, André a parlé d'un recueil de nouvelles. S'en vient aussi une nouvelle série mettant en scène la petite fille de Mazas. Que du bonheur, quoi. Et voilà pour le courrier. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent Le Téléphone. À l'époque dont je vous parle, c'était dans les premiers jours de la téléphonie. Mon ami Bui était rédacteur du Pays avec messieurs Napoléon Aubin et Auguste Achintre, 3 rudes plumes comme ceux de cette date le savent. Napoléon bienvenu, qui devait prendre plus tard la direction du National, entrait dans la carrière. Quoique possédant des talents incontestables et surtout une mémoire prodigieuse, il était lourd et ne pouvait percevoir de suite la portée des choses. Il s'informa auprès de Bui de cette nouvelle invention qui devait bouleverser le monde. Celui-ci se lança dans une dissertation scientifique à perte de vue. « Ah, vous savez, bienvenue, ce phénomène que vous constatez n'a pas encore donné tous les résultats qu'on en attend, hein? Mais même aujourd'hui, c'est un vol commis envers la divinité. C'est une parcelle du pouvoir céleste que personne ne comprend bien encore, mais la science aidant par la suite des siècles, on finira bien par découvrir le principe de cette force inconnue dont on ignore aujourd'hui l'origine. Dans l'intervalle, on ne peut faire autre chose que de constater le fonctionnement de cette machine merveilleuse. » Si vous voulez bien me le permettre, je vais vous faire une démonstration ad rem que vous saisirez facilement tant elle est simple. Nous allons supposer un chien dont les pattes de devant seraient appuyées sur l'un des quais à Montréal et celle de derrière sur le quai de Longueuil. Vous marchez sur la queue de l'animal et il aboie à Montréal. Voilà ce qu'est le téléphone. Je vous demande pardon, Monsieur Bui. Il n'y a pas de chien long comme ça. Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique, disponible sur le net. Aujourd'hui, je vous lis des lettres. Dans la froidure de l'hiver, on aime tous faire du cocooning, c'est indéniable. Mais quoi de mieux pour l'accompagner qu'une petite compilation de sagas bien roulées? The Netophonics m'a tenu compagnie en ce début d'année. Ça faisait vraiment longtemps que j'y étais allé. Un sous-sol qui a une bonne atmosphère chaleureuse, tu changes pas ça, même si ça a de l'air kitsch. Ainsi, j'ai retrouvé la même atmosphère qu'avant le crash de cet été. Rien ne semble avoir changé et c'est bien correct comme ça. Le même monde, les mêmes sagas, mais il y a de nouveaux bibelots qui se sont ajoutés. Il y en a qui étaient déjà, mais auxquels je n'avais jamais porté attention. Il faut parfois explorer un univers comme un nouveau pour faire des découvertes et c'est ce que j'ai fait en retournant chez Netophonics. Habituellement, je consultais que les nouveautés, mais cette fois, je suis passé par la liste des sagas et j'ai découvert un paquet de sagas. Entre autres, Prototype S, une superbe littérature immersive de Ad Astria, Adrien Mangold, que j'ai contacté par email. En premier lieu, malheureusement, pour me plaindre des noms de fichiers du type chapitre 6, l'allégeance de proxy.mp3. Je me confesse aussi à vous, je supporte mal les noms de fichiers qui se trouvent pêle-mêle, surtout quand on télécharge en cochon comme je le fais souvent pour les sagas. Les logiciels de podcast créent automatiquement des répertoires pour chacun. Alors, cette problématique ne se présente pas. De temps à autre, je me sens l'ombre de prédicateur et je tente au hasard d'amener vers le droit chemin certaines brebis égarées. J'en ai parlé ici, il me semble, mais au cas où, je me répète, pour le plus grand confort de vos auditeurs, mes chers créateurs de contenu, assurez-vous de mettre au tout début de vos fichiers le nom de la saga, de votre podcast ou de votre groupe. Un acronyme peut faire aussi. Toujours écrit exactement pareil. Ceci permet d'avoir tous les fichiers groupés ensemble parmi d'autres. Ensuite, mettez le numéro séquentiel avec la même rigueur. S'il s'agit d'une suite d'épisodes qui se doit être écouté dans un ordre précis. Puis, inscrivez le titre de l'épisode, si désiré. Il y a plusieurs histoires, super bonnes, j'en suis sûr, dont j'aurais pu parler, mais dont la simple nomenclature des fichiers a fait que l'histoire était toute mélangée sous mon lecteur. Et s'il n'y en a que deux ou trois, je peux remettre à l'endroit assez facilement. Dépasser cela, il est peu probable que je m'en donne la peine. Mais pour revenir à la source, dans le cas de Prototype S, j'avais fait un peu de pré-écoute et il me semblait dommage de ne pas faire l'effort pour le conformer à mes standards. Et j'ai été récompensé. Superbe production au rendu exemplaire, une intrigue entre thriller et science-fiction, dont la narration prédominante dans cette œuvre est superbement accompagnée d'atmosphères musicales et de sons. Certains dialogues d'acteurs sont introduits lorsque nécessaire et le rendu est impeccable. Au final, j'ai fait part à Adrien de mes impressions sur sa production et j'ai renchéri par une demande d'entrevue et Adrien semble partant pour jouer le jeu. Voici un résumé de ce qu'il m'a écrit. Voilà le genre de message qui fait plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton intérêt. Puisque tu as pris le temps de me donner tes impressions, je vais le prendre pour te parler un peu plus en détail de l'état actuel du projet. Alors voilà, tout a commencé quand je cherchais un moyen de donner un peu de visibilité à mes textes. Écrit, j'entends. Entre deux envois aux maisons d'édition, l'idée de l'audio est arrivée, et avec elle, des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il serait très intéressé à ce que vous lui donniez des feedbacks. Il n'y avait pas grand-chose à perdre. J'avais tout ce qu'il fallait d'un point de vue matériel pour me lancer, le minimum, mais quand même. Alors je me suis lancé plutôt corps et âme d'ailleurs. Tu dois le savoir, la moindre production, audio en l'occurrence, demande énormément de temps pour peu que l'on s'y applique. Et effectivement, je m'y suis appliqué, ce qui n'est pas forcément gage de qualité, mais cela reste à l'appréciation de l'auditeur. Moi, je vous le dis, si j'en parle et que je dis que c'est digne de mention, j'ai toujours été franc. Après, il me mentionne qu'il a changé de travail et qu'il est très très occupé depuis. Je continue. Voilà, on en est là avec un épisode 7 qui n'a pas d'épisode 8. J'espère bien sûr pouvoir reprendre la production, mais si je dois choisir, ce sera d'abord la plume avant l'audio. Probablement son gagne-pain. Ceci dit, c'est typiquement le genre de message que tu m'as envoyé qui peut me pousser à reprendre la production du jour au lendemain. Rien qu'en te lisant, ça m'a donné le courage d'aller faire une news sur mon site et de jeter un œil aux dernières vues YouTube. Donc, si d'autres que toi tombent sur la série par hasard et m'en font des retours similaires, mes priorités pourraient changer. Et quelle belle transition que voici pour non seulement te donner l'autorisation de parler de la série dans ton émission, mais aussi de te faire part de mon enthousiasme. J'espère seulement que le côté stand-by que je viens de t'expliquer ne te fera pas changer d'avis. Ça m'amuserait en effet de faire un jeu de questions-réponses par montage, mais est-ce que les questions ne seraient pas plus attrayantes si elles venaient de toi? Personne extérieure à la série, comme le serait un auditeur. Si tu as des questions que tu voudrais que je lui pose, ne te gêne surtout pas. epicureaudio@gmail.com. Il y a peut-être des choses qui te semblent évidentes comme questions, mais auxquelles peut-être que je ne penserai pas. Et surtout, s'il m'est possible d'ajouter les noms ou pseudos dans les questions, ça me ferait vraiment plaisir et ce serait plus intéressant pour tout le monde. Surtout, il faut que vous l'inondiez de félicitations et d'encouragements sur Netophonics. Je vous en avais déjà parlé et on le sent très bien ici, les commentaires sont le moteur des créateurs de contenu. Vous aimez quelque chose? Dites-le en premier. Puis partagez votre enthousiasme sur les réseaux sociaux tout de suite après. L'idée de demander à Adastria une entrevue m'est venue du fait que la narration de Prototype S me faisait penser à celle de Gensio Reva, dont j'avais justement passé en entrevue Selkio Eriku à mes tout débuts de Capsule Nouveauté. Une idée en faisant regermer une autre, je suis allé voir le site Filtre d'humour, afin de constater l'ampleur de mon retard sur cette saga, et je découvre que mon retard n'est pas si grand. J'avais tout de même fait quelques séances de téléchargement de la série jusqu'à cet été. Mais ils arrivent tout de même à la fin du cycle 1. À partir de leur site, je suis entré en contact avec eux afin de savoir s'ils étaient intéressés à retenter l'expérience d'entrevue telle que nous l'avions fait par le passé. La réponse que j'en ai eue, « Ça fait plaisir de te revoir. Oui, je me rappelle de cette interview. C'est un très bon souvenir. » Et remettre ça pour la fin du cycle 1, c'est une super idée. Donc, du coup, tu ne serais pas gêné si on rajoute un ou deux de nos acteurs. Yes, mon homme, vas-y, lâche-toi lousse. Ensuite, il me réfère à aller voir leur site pour prendre un peu des nouvelles, car ils semblent être assez occupés. Il me dit, comme tu l'as peut-être compris, c'est une année délicate pour Riku et moi, et ça va aller de mal en pis. Donc, pose-nous un deadline pour voir si on peut s'y tenir. Je leur ai suggéré de le faire au début du cycle 2, ce qui leur laisse le temps de se consacrer tout d'abord à leurs études. Activité assez inusitée pour eux, je crois qu'ils deviennent sages après tout. Puis, pour nous, les auditeurs, avoir un avant-goût de la tournure des événements associés à un changement de cycle. Ce qu'il en ressort de ces deux requêtes d'entrevue que j'ai faites est que je prends conscience que les créateurs de contenu me semblent très enclins à participer à ce genre d'activité. Je tenterai donc, dans l'avenir, de solliciter davantage les acteurs du milieu de l'audio. Avant de conclure cette capsule, j'aimerais profiter de la tribune pour tout d'abord vous annoncer que la migration de mon podcast Épicure, suite à la fermeture de la plateforme Balado Québec, s'est très bien déroulée. La solution que j'ai choisie est l'hébergement tout Google, les 15 gigs gratuits offerts par Google Drive, représentant plus de 300 heures d'audio dans mon cas, me satisfont pleinement. J'ai aussi commencé à faire une redondance sur podcloud.fr. Walter Proof de l'Inaudible me l'a fortement conseillé. Cependant, au moment d'effectuer la transition, ce site nécessitait trop d'apprentissage pour le temps que je voulais investir alors. Et le dernier point pour aujourd'hui est que je désire retourner l'ascenseur à l'association Geocaching Québec qui m'ont aidé à promouvoir mon podcast à ses débuts en vous mentionnant qu'à chaque année, depuis bientôt 10 ans, l'association Geocaching Québec organise le plus gros rassemblement hivernal de géocacheurs au Québec, Avalanche. La popularité et par le fait même le nombre de participants continue d'augmenter au courant des années. Le 21 février 2015, l'association Geocaching Québec organisera la 10e édition de ce rendez-vous hivernal incontournable. Celui-ci se tiendra au parc régional du bois de Belle-Rivière à Mirabel. De plus, il cherche à atteindre le nombre magique de 500 participants afin d'en faire le premier méga événement hivernal dans la neige de la planète. Plusieurs activités sont offertes sur les lieux aux participants. Pour les détails, recherchez Avalanche 2015, 10e édition. Pour les intimes, GC4G0YQ. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. À vous, les studios. Merci Jean-Seb. Suite de Le mystère de la chambre jaune, roman policier de Gaston Leroux, que j'ai réalisé avec Fred, K00, KL et Stanley. Dans l'épisode précédent, le père Jacques nous raconte le drame qui s'est déroulé au château du Glandier, dans la chambre jaune du pavillon, et on fait connaissance avec les personnages qui l'ont vécu. Chapitre 2, où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille. Je me souviens, comme si la chose s'était passée hier, de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre ce matin-là. Il était environ 8 heures, et j'étais encore au lit, lisant l'article du matin relatif au crime du Glandier. Mais avant toute chose, le moment est venu de vous présenter mon ami. J'ai connu Joseph Rouletabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau, j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction,